son rayon de soleil dès 7h du matin. C'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Hola, bon dia la famille. J'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end côté ciel. Aujourd'hui, ça caille un petit peu ce matin. Les températures au lieu du jour 4 petits degrés. On va pas dépasser les 9 voire 10 degrés. Ça fait un petit peu froid. De la pluie malheureusement aujourd'hui. Des nuages, pas de soleil. Et ça va être toute la semaine. Bravo à l'Équateur qui ont gagné hier face au Qatar pour le premier match du Mondial 2023 au Qatar. Énorme, franchement énorme. Bon match, 2-0. Ben ouais, sympatoche. J'ai suivi ça un petit peu à la télé. Vous aussi peut-être. 7h02, coucou à Pascal qui vient de se connecter. Salut Francky, belle journée à toi, belle journée, bon réveil. Courage pour le taf mon Pascal. C'est parti aussi pour chauffeur livreur José qui vient de nous envoyer un petit message. Salut Francky, je suis déjà sur la route pour livrer vos colis. Et ben voilà, on l'attend avec impatience. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Francky. Arc-en-ciel. Francky le matin sur Arc-en-Ciel. C'est quand tu viens, c'est quand tu passes, c'est quand tu me prends par la main et que tu me dis Allez viens on se casse, c'est quand la douceur de tes bras chauds, c'est quand la chaleur de tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives, dans combien de temps, c'est quand t'arrives et que tu me dis allez viens, viens maintenant c'est le moment, dis-moi c'est quand. Tes lèvres sur ma peau, c'est quand t'arrives. FM, c'est la fréquence du matin pour vous réveiller. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Si vous voulez nous appeler, comme Camille qui est là, qui est connectée sur Facebook, à Laurence, et Olivier qui est là, je vous souhaite une très très bonne matinée. Et c'est bientôt Noël. Bah oui. Last Christmas, belle reprise de mon poteau Rodrigo Ace. 7h09, on est en direct. Cambiar, me escondo de ti, de tu alma y la Ace, Last Christmas, la prise de George Michael. On adore, c'est notre photo, ça, la radio. Heureux d'être avec vous. 7h10, Francky en direct. Vous êtes peut-être à la bourre pour le boulot. La météo qui arrive, eh ben, ça pèle un peu ce matin. La météo. La météo pour aujourd'hui, le ciel est nuageux, malheureusement de la pluie. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ça va durer toute la semaine, de la pluie, des nuages, de la pluie, des nuages. Je suis en train de mater le site de Météo France. Ouais, ça va pas être terrible cette semaine. Hein. Ouais, côté soleil, c'est mort. Coucou à Chris qui est là, coucou à Maïla qui est là, coucou à Manu. Vous êtes nombreux le matin, merci de nous rejoindre. 7h-9h, c'est Francky dans la radio et l'artiste qui arrive et le collectif métissé. C'est ce qu'a dit Carolina, Lafiosa, Mardiosa, comme vous voulez. Coucou à Elena qui est connectée aujourd'hui sur Orléans. Salut Elena, belle journée à toi, courage pour le boulot. Laurent aussi qui est là. Merci d'être aussi nombreux tous les matins, ça nous fait vraiment zizir. Et notre invitée Amboline tout à l'heure, elle cherche une alternance. Bah ouais, elle va nous expliquer tout ça en live sur Radio Arc-en-Ciel. Elle galère la pauvre, hein. Mais bon, on va essayer de trouver, on va essayer de trouver. On est là pour ça. 7h15, Gims. Encore une matinée à me demander comment je vais combler tout ce vide que tu as laissé. Je sens que la journée promet d'être longue et je n'ai plus personne avec qui la passer. Je ne peux plus porter cette solitude, tu me manques, je n'ai plus personne à qui me confier. Je passe mon temps à regarder par la fenêtre et je ne te vois tout. Je t'attends comme si t'allais rentrer.

9h, Francky dans la radio. Salut la famille, merci d'être là, connectez-vous, 96 FM, le standard 02 38 43 48 00, le son latina avec El Mejor de la Musica, Daddy Yankee, Loque Paso, Paso. Belle journée et bon réveil. Passo. Merci d'être là, Ronald, qui est connecté aussi. Salut Francky, belle journée à toi. Je vais au taf ce matin, une semaine de repos, et ça y est, c'est la reprise, mais bientôt les vacances de Noël. Bah ouais, profitez. C'est vrai, c'est bientôt Noël. À la Coupe du Monde, ça y est, c'est parti. La France qui va jouer mardi contre l'Australie, contre les kangourous, ça sera mardi soir. Hein, ne l'a pas loupé. Y a Makassi qui arrive, puis Jennifer aussi, donne-moi le temps, ça on adore. Et le meilleur des souvenirs, histoire de vous réveiller tout en douceur dans les années 80, avec les Boys Don't Gang, un titre interplanétaire. Can't take my eyes off you. Bon réveil, belle journée sur Radio Arc-en-Ciel. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard si vous nous joindre. C'est le meilleur de la musique avec Boys Don't Gang, Can't take my eyes off you. 7h30 minutes, histoire de se rappeler les meilleurs souvenirs 1984. Boys and Gone, Can't Take My Eyes. Ryu, coucou à Ludo, qui est là, Thierry, Emmanuel. Vous êtes nombreux le matin, vous connectez. 02 38 43 48 00, c'est le numéro du standard. Côté météo, on va pas dépasser les 9 degrés. Ça caille un petit peu ce matin. Des nuages et de la pluie, malheureusement. Mais le soleil est là, avec Makassi et la reprise de premier Gaou. Je chante à la radio. Attends, je fais partir le coupé. Et on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gatao. Du moins ce matin, quand on frappe à ma porte. Je suis de retour, je t'appartiens. Prends-moi le bateau, fais ce que tu veux. Et on dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gatao. J'ai dit chéri, qu'est-ce que tu veux manger? Sans même mes idées, un petit poulet brisé. Quand on te dit premier gaou n'est pas gaou. J'ai dit chérie Moko, ce poulet tu veux manger. Poulet est trop petit, ça fait pas de rassasier. C'est gagnant de zéro. Je vais te donner les genoux d'éléphant. Tu vas manger. Nangele, nangele, nangele, nangele, nangele, elle est fâchée qu'elle s'en va à la maison. Si elle va à la maison, population va me tuer. Elle a accepté, à un moment donné, elle a tout gâté. Elle est quittée dans poulet, s'en va dans loco. Ici c'est à loco, c'est pas compliqué. C'est plantation de banano, tu vas briller. Au lieu de rochette, ça peut pas bien piquer. C'est avec bateau, tu vas manger. Premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gatao. On dit premier gaou n'est pas gaou. C'est deuxième gaou qui est gatao. 7h, 9h, le matin c'est bien et c'est Franky. Arc-en-ciel. 7h, 9h, Franky le matin sur Arc-en-ciel. bitches and your ugly ass friends. I cannot preach. I cannot preach. I gotta show them how I can't get it in. First, take your sip, do your dip, spend your money like money ain't shit. Ooh, ooh, way too fresh. Got to blame it on Jesus. Hashtag blessed. They ain't ready for me. I'm a dangerous man with some money in my pocket. Keep up. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up. Why you mad? Fix your face. Ain't my fault they all be jockeying. Keep up. Players only. Come on, put your pinky rings up to the moon. Woo. Hey girls, what y'all trying to do? What you trying to do? 24 karat magic in the air. C'est bon à l'époque, hein. Bruno Mars, 24 Magic. Belle journée à vous. Courage, hein, si vous allez au taf ce matin, comme Alex, qui nous écoute sur le 96.2 FM. Ombeline sera notre invitée tout à l'heure. Et elle cherche justement une alternance. Elle est étudiante en bachelor 3 en journalisme. Elle sera là pour nous en parler dans les studios. Ce sera à 8h15 en live. Et putain, elle qui arrive et le sens de la vie. J'espère que vous l'avez pris ce week-end, le sens de la vie. Heureux d'être là, c'est Frankie dans la radio. On est là jusqu'à 9h. Belle journée et bon réveil. Le sens de la vie que 7h-9h, Francky dans la radio. Je vous souhaite une belle journée, un bon réveil. Ça y est, la Coupe du Monde de football, c'est parti. Hier, le premier match en Équateur-Qatar, justement. L'Équateur qui l'a remporté 2-0. Les organisateurs qui n'ont pas réussi à marquer. Eh ouais, peut-être la clim est trop forte. Heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. 7h43. Le meilleur de la musique, l'île de la Réunion. Il y a tout le monde là, DJ Assad, Willy William et Alain Ramanissium. Belle journée, courage à vous pour le taf aujourd'hui. On est là pour vous donner le smile avec la bonne humeur. L'île de la Réunion, voici Willy William. De la flotte, hein, des nuages, hein, jusqu'à 9 degrés, ben, l'île de la Réunion est là, avec DJ Assad, Willy William, Alain Ramanissium, l'île de la Réunion en force ce matin. Caliente, coucou à Pascal qui fête son anniversaire, aujourd'hui le judoka de Saint-Jean-le-Blanc, il va se connaître mon ami Pascal, happy birthday, et tout le monde aussi là, Shakira, Black Eyed Peas, David Guetta, don't worry, be happy, c'est Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h. Je suis déçu parce que moi, je voulais voir David Guetta mixer dans le clip, mais non, il fait du synthé. Au boulot, ben voilà, c'est pas grave. Un bonjour à l'antenne, appelle le 02 38 43 48. Ah ouais, parce qu'en même temps, je me matais le clip, là, je me suis dit, bah David, on va le voir en platine. Bah même pas, il a fait ting ting ting ting sur le clavier. Voilà. Ça arrive le son caliente. Justement, un peu de douceur. Bah, c'est Louis Bertignac et ses idées-là sur un arc-en-ciel. Belle journée. Je suis en mal-être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander. Je peux faire une croix sur toi. ça sent la rupture, hein, ça sent la meuf qui est partie, qui va revenir peut-être, il attend que ça. Louis Bertignac, ex-membre du groupe Téléphone, ses idées-là. Belle journée sur la tangentielle, ça bouge un petit peu, c'est ce que nous dit Pascal. Donc soyez prudents sur les routes et côté ciel, eh bien on en parle justement. La météo. Et la météo pour aujourd'hui, le ciel est plutôt nuageux, des averses, pas de soleil prévu, et ça c'est pour toute la semaine. Les températures au lever du jour, 4-5 degrés, ouais, c'est vrai que ça pèle un petit peu, on ne dépassera pas les 9 degrés avec un ciel très couvert, avec des pluies, du soleil, non pas de soleil, Météo France ne dit pas de la semaine même. C'est bah, en même temps c'est l'hiver qui approche, hein. Bah oui, c'est ça. Noël aussi, c'est ce que dit Omeline sur Facebook, une autre Omeline, on va recevoir une Omeline tout à l'heure, mais c'est pas la même, qui nous dit c'est bientôt les fêtes de Noël, Francky, donc préparez vos petits cadeaux. Bah oui, ça y est, ça va commencer là, un mois et demi avant Noël, de faire les préparatifs pour les fêtes. Despacito, ça arrive. Belle journée aussi à Edouard qui vient de se connecter du côté d'Olivier. Salut Francky, belle journée, moi je commence dans 10 minutes. Bah voilà, on y va mon ami. Votre réveil matin, c'est Francky. world and even sail the seven seas. Across the universe and all the other galaxies. Just tell me where to go, just tell me where you wanna meet. I navigate myself to take me where you be. Cause girl, I want you right now. I travel uptown, I travel downtown. Wanna have you around, like every single day. I love you always, can I meet you halfway? Sur la princesse Virginie qui nous écoute sur 96 FM, welcome à toi. Et si un anniversaire à souhaiter ce matin, Pascaline qui souhaite un bon anniversaire à son papa qui a 71 ans ce matin, Alfred, beau prénom, bon anniversaire Alfred. 8h04, Francky dans la radio, on est là jusqu'à 9h avec les souvenirs qui arrivent. Brandy, Monica, the boy is mine. Courage à vous si vous allez au taf, c'est lundi, on est là, le smile, la banane comme on dit. Au réveil, ça fait du bien. There is no way. Monica, ce boy is mine, ce mec est à moi, c'est ce que ça veut dire, hein, c'est 96, ça. Le meilleur des souvenirs pour se rappeler des bons moments là-dessus. On a emballé, hein. Et ouais, les décos de Noël qui arrivent aussi, ça y est, dans les magasins, vous allez pouvoir faire vos choix. Moi, mon choix, il est fait, hein. Je vais à Fleury, là, chez mon poteau, à Jiffy, là. Bah ouais, forcément. Dimitri, salut mon poteau. Et Léa aussi qui est là, Léa qui va bosser ce matin, Léa qui m'envoie un petit message. Salut Francky, belle journée, ça caille ce matin. Sérieux? Bah oui, après, bientôt l'hiver. Ombline qui vient d'arriver dans les cieux de la radio, elle cherche l'alternance. Et ouais, bah justement, nous on aide les jeunes aussi comme ça. On leur donne la parole dans quelques minutes, hein. Peut-être que vous allez pouvoir l'aider, communication, journalisme. Elle est là, elle va nous raconter un petit peu sa courte carrière qui vient de démarrer. Et puis bah, elle cherche, elle trouve pas. Bah, on va essayer de lui filer un petit coup de pouce ce matin en direct Radio Arc-en-Ciel, 7h-9h, c'est Francky dans la radio. Et le meilleur de la musique, tout en douceur, Virginie qui nous écoute à Jargeau. Donne-moi le temps, le meilleur des souvenirs, c'est Jennifer sur Radio Arc-en-Ciel. De la pluie et des nuages, malheureusement, 8h10 en direct sur le 96.2 FM. C'est Francky dans la radio. Merci d'être là, merci d'être aussi nombreux tous les matins. Ça nous fait vraiment plaisir, la famille. Côté spectacle, ça se passe à la Passerelle et on vous en parle. C'est vendredi. Avec Arc-en-Ciel, voici les bons plans de la Passerelle. cette belle salle de spectacle à Fleury-les-Aubrais. Ils seront sur scène, la compagnie Légumes. C'est ce vendredi 25 novembre à 20h30. Un duo plutôt burlesque qui déchaîne les zygomatiques. N'hésitez pas à aller les voir sur scène à partir de 6 ans. Voilà un spectacle où vous allez pouvoir vous marrer. Et c'est vendredi. C'est à Fleury-les-Aubrais, à la passerelle. Amboline qui est dans les studios. Elle arrive dans moins de 3 minutes juste avant. C'est les Daft Punk qui arrivent. Et le meilleur de la musique, les Casqués sont là ce matin avec les Get Lucky. Belle journée, 8h12. Like the legend of the Phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Séparés, un coup ils reviennent ensemble, un coup ils refont une tournée. Les Daft Punk, Get Lucky sur Radio Arc-en-Ciel, il y a 8 ans déjà, ça passe. Hein. Belle journée, 8h15, notre invité là, on la retrouve tout de suite. Radio Arc-en-Ciel, l'invité du jour, c'est maintenant. Et c'est maintenant, alors tout le monde y a chez nous, les sportifs, les hommes politiques, et puis Ombeline qui est là ce matin. Qui cherche, on va dire, du boulot. Salut, Ombeline, ce matin. Alors, je sais pas si on peut dire chercher du boulot. C'est une alternance. Bonjour, ça va, Ombeline? Merci. Voilà. En pleine forme? Ça va. Est-ce que c'est dur de se lever le matin comme ça, de venir à la radio à 8h? Ah, un petit peu, surtout qu'il fait très très froid quand même. Ça va, il fait froid, mais l'hiver n'est pas encore installé. Oui. Mais bon, ça va, c'est tolérable, on va dire, le ça temps. Va. C'est ce qui, ce qui est mauvais, c'est l'humidité, tu sais. Quand c'est humide, c'est pas très bon pour la santé. Vaut mieux un froid bien sec qu'un froid humide. Bon, je fais le doc en même temps le matin. T'as vu, j'ai de l'échange. Oui, je vois ça. Ambeline, on est heureux de te retrouver ce matin sur Radio Arc-en-Ciel, toute rayonnante ce matin à 8h17. L'alternance, est-ce que tu cherches, toi? Il te faut ça avant le mois de mai. Alors, c'est dans la communication. La communication, c'est vaste. Explique-nous un petit peu rapidement ton début de carrière aujourd'hui. Alors du coup, moi, je viens d'avoir mon BTS communication et là, cette année, je suis dans une école de journalisme à Paris qui s'appelle l'ISFJ. Donc c'est l'Institut supérieur de formation au journalisme. Alors moi, je suis le seul journaliste de la radio, hein, tu vois. J'aurais pu te former, mais malgré le temps. Ah bah. mais voilà, donc j'apprends à faire de la radio, de la télé, plateau télé, reportage, articles de presse. Je touche à tout dans mon école. Mais pour faire cette formation, l'idéal, c'est d'avoir une alternance. Donc une alternance dans le journalisme, dans la communication, ouais. Peu importe. Donc journalisme, ça peut être très bien radio, télé, presse écrite, ou la communication, c'est-à-dire gérer les réseaux sociaux d'une entreprise. Ouais, sur les réseaux, en ce moment, ils en ont besoin de communiquer, les entreprises, hein, beaucoup. Exactement, ouais. c'est les entreprises ont de plus en plus besoin de faire de la communication dans la... pour se mettre pour en avant. On va développer la société aussi. Ouais. C'est ça. Et donc, voilà, je peux très bien aussi, même en faisant des études de journalisme, faire une alternance dans la communication. Et c'est ce qui me plaît avant tout aussi, de faire de la communication pour l'entreprise, mettre en avant les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai beaucoup fait en stage. Et c'est ce que j'aimerais beaucoup continuer à faire. Continuer à faire. Bon, on va lancer le message là. Alors aujourd'hui, si vous êtes, justement, vous avez une entreprise, si le poste vous intéresse, si vous voulez que Ambeline soit chez vous, eh bien n'hésitez pas à nous contacter déjà à la radio. Hein, comme ça, on donnera les coordonnées à Ambeline. Toi, tu te verrais plus dans quoi? Dans le journalisme, dans la télé, dans la radio, dans quoi? Alors, j'aimerais beaucoup la radio quand même, ouais. Et la presse écrite. Presse écrite, ouais. Il y a la REP à Orléans. Tu les as contactés, la REP? Oui, mais j'ai pas eu de réponse. Non, pas de réponse. Ah là là, il faut insister avec la REP. Hein. Même France 3, tout ça, il faut essayer de les contacter, les radios orléanaises aussi. Ouais. Envoyer des sons, peut-être aussi, peut-être, parce que des fois, ils veulent des piges, tu sais, des écoutes, pour voir un petit peu ce qui se passe. Souvent, les radios, c'est ce qu'ils demandent, tu sais, un vocal, pour voir un petit peu la voix, le ton du journaliste, parce que les journalistes ont des tons, tu sais, quand ils font le flash info, etc. Donc toi, là, tu cherches toujours, actuellement? Ouais, je cherche toujours. J'avais une entreprise qui ne m'a pas gardée, malheureusement. Ah mince. Pour problème financier, donc du coup, je me retrouve de nouveau à la recherche d'une alternance. Ouais. T'as arrêté quand là? C'était quand là, ton dernier stage? C'était il y a 2 semaines que je suis partie. Donc j'ai eu ma semaine de cours la semaine dernière. Sauf que j'ai une semaine de cours et 3 semaines en entreprise. Donc là, je suis 3 semaines à rien faire, à attendre, à chercher. Et voilà. C'est donc, très long. C'est ça le message que tu lances ce matin. C'est une entreprise qui serait prête à t'accueillir sur Orléans ou aux alentours, non? Tu prêtes à... T'as une voiture? Oui, j'ai une voiture, ouais. J'ai le permis, donc Orléans aux alentours. Ouais, aux alentours, ouais. Ça m'ira très très bien. Parce que je sais que tu vas à Paris aussi, faire des études. Oui, je fais mes études à Paris, mais l'idéal, c'est vu que j'habite à Orléans, ce serait quand même une alternance sur Orléans, ce serait mieux pour moi. Donc là, pendant 3 semaines, tu vas essayer de chercher, de trouver, j'espère pour toi. Exactement, j'espère aussi, sinon ça risque d'être très très long. Comment ça se passe si jamais, jamais, hein, tu ne trouvais pas malheureusement ce stage en Ambeline? Alors, si je trouve pas cette alternance, je vais devoir payer moi-même les frais de scolarité, donc il y en a pour très très cher. Ah, c'est cher le journalisme. Hein. Donc, disons que l'idéal serait que j'ai une entreprise, parce que si je dois me retrouver à payer moi-même mes frais de scolarité, ça va être très compliqué. Alors aujourd'hui là, 8h21 en direct sur Radio Arc-en-Ciel, si tu devais te vendre, s'il y a un entrepreneur qui est dans sa voiture, qui nous écoute par exemple, il y en a beaucoup, hein, tu sais, qui vont au boulot le matin, ça se trouve le patron il est là, il dit bah tiens, moi ça m'intéresse peut-être. Comment tu te vendrais aujourd'hui? Tu touches à quoi et qu'est-ce que tu mets en avant pour une société? Après il y a différents paramètres, mais aujourd'hui pour généraliser la chose, comment tu te décrirais? Moi, je suis quelqu'un de très motivé, très dynamique. Si je dois me lever à 4h le matin, je le ferai quand même. C'est pas facile, mais je le ferai. Mmh. Je suis très intéressée par le domaine que j'étudie, que ce soit le journalisme ou la communication. Donc, je donnerai tout pour pouvoir réussir et apprendre au mieux dans ce domaine. Après, je sais toucher à plein de logiciels. Maintenant, j'apprends à faire du montage. Donc, cette semaine, j'ai fait un reportage radio. Ouais. Je vais apprendre la prochaine de cours à faire un reportage vidéo. Donc, je commence à vraiment bien toucher à tout ce qui est la suite Adobe, tout ce qui est Canva, les réseaux sociaux, je sais tout faire. Ah bien, ouais. Soit TikTok, Instagram, Facebook. Ah bah je vais te demander aussi parce que c'est vrai. Si vous nous écoutez là, vous êtes patron aujourd'hui de boîte là, bah c'est super intéressant parce que c'est vrai qu'aujourd'hui pour développer les sociétés, bah les réseaux sociaux ça aide beaucoup. Hein. Et puis la communication c'est super important de mettre des belles vidéos, des beaux montages, des beaux articles, savoir comment activer sa page par exemple sur Facebook. Je parle de Facebook ou autre. Hein, comment la mettre en valeur. Hein. C'est vrai qu'il y a des choses qu'il faut pas faire et pas faire. Et ça, bah justement, Omblin donc pourra certainement vous aider là-dessus. Ça peut être même un plus pour vous, et j'en suis sûr, Omblin. En tout cas, bah, j'espère que tu vas trouver. Ben, j'espère aussi. On croise les doigts. Donc n'hésitez pas à me contacter ici à la radio. Puis moi, je mettrai la petite photo d'Omblin avec justement un lien pour te contacter sur Facebook. On va faire une photo. Et n'hésitez pas à aller la contacter ou me contacter à la radio. Vous connaissez le numéro du standard, hein, 02 38 43 48 00. Vous m'appelez si vous êtes en direct, vous voulez passer, vous pouvez m'appeler maintenant. 02 38 43 48 00. Et puis bah on va lui filer un petit coup de main cette semaine à Omblin. Voilà, Omblin. Omblin, dernier mot à rajouter donc pour toi, hein, j'espère que ça va bien se passer. Merci. Que tu vas trouver. Ouais. Ça va, ça a été. Oui, ça va. Très bien, t'es à l'aise là. Oui. T'as une belle voix en plus qui passe bien. J'ai le retour casque là, on est bien. Ouais, j'aime bien. T'aimes bien la radio, c'est sympa. Hein, ouais, j'en avais déjà fait en stage et j'aime bien. C'est sympa la radio. Sympa, ouais. Ouais, nous en plus ici c'est libre antenne, t'as vu, hein, on fait un peu ce qu'on veut entre guillemets. Mais c'est sympatoche. Et oui. Bon, Omblin. 02 38 43 48 00 si cela vous intéresse, n'hésitez pas à m'appeler, on va mettre la photo d'Omblin avec un petit lien pour la joindre sur Facebook. Et ben aussi n'hésitez pas à la contacter, c'est avant le mois de mai. Allez, dépêchez-vous, ça va lui faire plaisir la petite. Merci Omblin. Merci beaucoup. Passez une belle journée. Merci. Et puis courage pour tes recherches. Ben merci beaucoup, il en faut. Voilà, donc n'hésitez pas à aller voir la photo qui va arriver là dans quelques minutes sur la page Facebook avec les coordonnées d'Omblin. Et puis n'hésitez pas à lui filer un petit coup de main. Voilà, alternance communication, c'est super important pour elle, ça lui ferait vraiment vraiment plaisir. Et c'est avant le mois de mai, donc maniez-vous, hein. Mamé Toucola Son, le collectif métissé. N'hésitez pas, j'ai mis la photo d'Ombline avec son lien Facebook. Elle cherche un stage en communication si ça vous intéresse pour développer votre entreprise. C'est super, franchement. Et il lui faut un truc avant le mois de mai, donc n'hésitez pas à me contacter sur mon Facebook ou vous m'appelez à la radio 02 38 43 48 00. La Coupe du Monde, ça y est, c'est parti. Hier, l'Équateur fut gagné face au Qatar, le pays organisateur, 2-0. Et aujourd'hui, les matchs Angleterre-Iran, ça sera à 14h. Le Sénégal contre le Pays-Bas à 17h. Et les États-Unis d'Amérique qui vont rencontrer le Pays de Galles, ça sera à 20h. Belle journée et bon réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Courage à vous si vous allez au boulot. Ouais, Joël, il a raison, ça fait rétrécir aussi le froid, l'humidité, ça fait rétrécir. Voilà, bah oui, c'est ça, mon Jojo. Eva, c'est le tour de Kenji Gira qui arrive. Courage à vous pour le taf, on est là jusqu'à 9h. Dans tes yeux, je vois le monde autrement. Dans tes yeux, Eva, tout mon amour en grand. Dans tes yeux, je vois comme j'ai pas vu avant. Ton regard, mon enfant, est le plus beau des présents. T'as fait de moi un papa. Je n'en reviens même pas. Radio Soleil, dès 7h, avec Francky. Ya yo me cansé, no quiero ser tu amante. Te digo de mi parte, que no aguanto más. Ya no aguanto ver el otro como dice que es el dueño tuyo. Me mata el orgullo, él ni te sabe hablar. Esta la hice pa' él. Cuando la escuche quiero estar ahí para ver cuando se entere y sepa que soy dueño de usted. Tal vez suene un poco mal, lo sé, y no me luce. Todo es por usted. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que nunca. Que acabar. Dime qué tú vas a hacer. Mami, tengo la inquietud. Si quieres sufrir con él, eso lo decides tú. Que seas feliz con él, yo no te contestaré. Sé que me vas a llamar cuando me extrañe tu piel. Mami, yo me siento tuyo. Yo sé que no te sientes. Avec Nicky Yam Hellamant, et puis je vous ai mis la photo d'Ombline là sur ma page Facebook. N'hésitez pas à aller voir sa page, son compte aussi, si vous voulez lui filer un coup de main, si vous connaissez un entrepreneur qui veut la recevoir en communication, eh bien allez-y, il y a sa page, vous lui envoyez un petit message, vous m'appelez à la radio 02 38 43 48 00. On va lui filer un petit coup de main, la gamine là. Bah oui, ça nous fait plaisir quand même d'aider les gens, nous ici le matin à la radio. Faut bien qu'on serve à quelque chose quand même. J'adore. Voici Rec sur l'arc-en-ciel. Belle journée et courage à vous si vous allez au taf ce matin. Para que recuerdes todo lo que hicimos en... toi Maluma. Hein, je chante en trio ce matin, Drake, Maluma. Ah ouais, ça c'est le tube qu'il vous faut le matin pour aller au boulot, ça vous met de bonne humeur. 8h38 minutes, heureux d'être là, c'est Francky dans la radio. La mauvaise nouvelle, c'est que toute la semaine, le temps est pourri. Bah ouais, des nuages de la pluie, mais on est là pour vous donner le rayos du sol ce matin. Perfect, qui arrive. On adore Ed Sheeran et Bocelli. I found a love for me. Well, darling, just dive right in. Follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. 'Cause we were just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you. Darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. And in your eyes, you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath, but you heard it. Darling, you look perfect tonight. Sei la mia donna, la forza delle onde del mare. Cogli i miei sogni, i miei segreti, molto di più. Spero che un giorno l'amore che ci ha accompagnato diventi casa, la mia famiglia, diventi noi. E siamo sempre bambini, ma nulla è impossibile. Sharon, Edward Bocelli, Perfect Symphony, et on adore aussi Jans. Clic, clic, pompon. Bien fait pour me réveiller ça. 8h41 minutes, c'est Francky dans la radio. On est en direct ce matin, 96.2 FM. T'es trop séduisante, t'étais mon chouchou. Je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour. J'aimerais recoller ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. Je vais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier le passé. Je peux pas oublier le passé. Oublier. prends pas. Je prends ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou, je sais pas ce qui s'est passé. Je repense à toi chaque jour, j'aimerais reconnaître ce qui est cassé. Tu me dis que c'est fini, qu'il y a plus de nous. Je vais mieux t'effacer. Je sais pas à quoi tu joues, mais je peux pas oublier. Clic, clic, pompon, je sais pas ce qui s'est passé. Moi non plus, je sais pas, franchement. 8h44 minutes, Yann qui cartonne sur toutes les radios. Et on l'adore, on l'aura bientôt au téléphone, ça va être la grosse surprise pour vous. Le meilleur des souvenirs, les remixes de la radio arc-en-ciel tous les matins avec Camaro, Karim et Femme Like You. Belle journée à 8h44 minutes. Et l'équipe de France qui jouera mardi contre l'Australie. Ça sera le Football Qatar 2022. Bon réveil. Ça va vous rappeler des souvenirs. Femme Like You en 99-2000, je crois, je sais plus par là. Ouais, Camaro avec Femme Like You ce soir. Non, je sais pas, à 17h là. Pour les fans de football, Sénégal, Pays-Bas. Allez, ben, j'envoie les paris là. Moi je dis Sénégal. Allez, pour la famille. On adore à la radio. Jean-Pierre qui vient juste d'arriver. Ben ouais, en pleine forme aussi. 8h47. Nestlé, tu me manques. Let me show you my libido. What kind of bitch you both say love you? Pas mal hein, les gonzesses hein. C'est ce que j'étais en train de me dire, c'est vraiment Francky. Je te vois regarder l'écran depuis tout à l'heure, ouais. Qu'est-ce qu'il regarde? Ah j'ai regardé le clip. Non, non, alors je regardais le clip, l'environnement du clip. Ah ouais, ouais, c'est voilà. Ça, ouais. Moi aussi. Il y a des belles fleurs hein. Ah oui, très belles fleurs. Ah, très belle hein. Ça s'arrose, ouais, ça. Oui, ça s'arrose ça. Avec un gros tuyau. Bien oh sûr. Là là, bonne journée. Oh là là. Son rayon de soleil, chaud, dès 7h du matin, c'est Francky sur Radio Arc-en-Ciel. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Francky. Ça va? Bien et toi? Bah super, avec le temps de pourri. J'ai dit un gros mot, mais... Ouais, mais en même temps, on arrive la fin novembre. Ouais, oui, on a eu l'été là jusqu'à la semaine dernière. Quand même. Exactement. Et il faut se rappeler qu'il y a 15 jours, 3 semaines, il faisait 22 degrés encore. Hein. On est en t-shirt. Ah ouais, là c'est fini le t-shirt. Hein. Ah oui. Comment il va bien? Eh bah écoute, il va pas mal, et toi? Bah écoute, ça va. Comme un lundi? Comme un lundi matin, la gueule dans le... Ouais, tu vois ce que je veux dire? Dans le cucu. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bah tiens, toi qui fait des offres d'emploi, il y a Ombline, la petite qui est venue, là. Elle cherche un stage en communication, hein. Tu veux le rappeler de temps en temps? D'accord, c'est bien, ça marche. Voilà, stage en communication, elle développe, elle peut aider une entreprise, tu vois, à faire le site internet, communiquer sur les réseaux, tu vois, développer de la société, en parler avec des vidéos, des beaux textes, des belles photos, etc. Et ça, je trouve ça super bien pour les sociétés. Non, c'est clair. Il y a beaucoup de sociétés qui devrait faire ça de plus en plus et ça marche hein. Moi je te dis ça marche hein. Ouais, franchement il faut l'apprendre la gamine là. Alors, bordel de chiottes, vous allez me l'apprendre. Vous allez l'apprendre. Non, elle est super gentille en plus, elle est venue ce matin, elle est motivée la gamine, elle s'est levée, elle est venue à la radio là pendant 15 minutes en parler, tu vois. Il y a beaucoup de gamins qui sont en train de ronfler encore. Hein. C'est ce que j'allais te dire. Ah, ça se lève pas. Il y a un paquet qui se lève pas. Hein. Et elle, je peux te dire, elle a pris sa bagnole, elle est venue, elle a parlé pendant 15 minutes là. Hein, et voilà, elle est motivée la gamine. Moi, je vais l'aider là. Je vais appeler 2-3 potes hein, dans les journaux là, et on va essayer de lui filer un coup de main quand même. Non, mais c'est ce qu'il faut. Après, quand on a des relations, des contacts, on essaye. Hein. C'est ce qu'il faut dans la mesure du possible. Bon, l'émission qui va démarrer dans 8 minutes. 8 minutes, ouais. Chronomètre. Allez, en place. 7 minutes. Il y a des trucs à vendre dans l'émission. Il y a quoi? Il y a des bagnoles. Non, je pas sais de bagnole, plus. Pas, non, je pas sais de plus. Bagnoles qui traînent. Non, il y a des offres d'emploi, comme à chaque fois, toujours. Les paquistes. Et puis, des bandeurs. Toujours, des bandeurs. On toujours. Des bandeurs, toujours. Ça fait un mois que ça dure l'histoire. Toujours pas débordé. Non, mais bon. Toujours pas de bandeurs. Non, toujours pas. Pas rien à l'horizon. ça serait bien qu'on trouve quand même. Ben oui, et puis il y a des auxiliaires de vie aussi. Ah ouais, très beau métier, mal payé mais très beau métier. Ouais, ça va super mal payé, ouais. Les heures, les conditions des fois sont pas exactement. Super, hein. Mais on les salue au passage, ceux qui nous écoutent, on leur souhaite plein de courage. Voilà, il y a des métiers comme ça où tu te dis voilà. Métier de merde. Ouais, il faudrait. Non mais on les salue, attention. Oui, mais c'est des métiers comme ça où il faudrait que ce soit mieux rémunéré. Ouais, un peu plus. Hein, voilà. Il faudrait qu'on nous appelle, tiens, l'auxiliaire de vie là, si quelqu'un nous écoute là. Appelez-nous tout de suite, on va en parler hein, avant 9h. 0238 43 48 00. Hein. C'est bien. T'as vu ça où sur l'écran? Non, je sais pas. Alors, c'est marqué où? Ouais, c'est marqué là-haut, regarde. Ah oui, c'est vrai. Lève la tête. Voilà. Et non, j'étais encore sur le clip, moi. Donc, c'est fini. Ouais. Je vais l'enlever, là. Oui. Attends, je vais t'enlever ça, les yeux. Non, parce que, voilà, ça me fait mal aux yeux. Je te ferme tout ça, là. Ouais. Bon, moi, je suis pas content pour deux choses. Hein. Dis-moi. Je suis arrivé ce matin. Bon, déjà, il me restait une capsule de café. Bon, ça, c'est merveilleux. On va enquêter là-dessus. Faut enquêter. Et puis, on m'a viré tous mes titres de l'ordinateur. Ouais, que j'avais mis de côté ici, là, tu vois. Je te montre avec la, ici, là, tu vois. J'avais un dossier, Francky ne pas, j'ai marqué, alors, Francky ne pas effacer. De musique, surtout. Est-ce que t'as été voir dans la corbeille? Eh ben non, j'y étais, eh ben c'est pas dans la corbeille, regarde, ouvrez la corbeille, eh ben y a rien. Eh ouais, c'est dommage. Donc voilà, on m'a viré tous mes titres. Bah écoute, hein, c'est blindé de... Donc je vais revenir avec une clé. De caméra, puis on va regarder. Oh non, c'est pas que ça va faire. Bon bah, on va démarrer l'émission, Jean-Pierre. Bah oui. Disque à la demande avec toi aussi. Bah bien oui, sûr. Ça y est, c'est parti. Hein. Vous appelez le 02-38-43-48-00 et vous demandez le titre que vous voulez. Il a tout, Jean-Pierre. Il a une bibliothèque à côté. C'est ça. Quand je la mate, la bibliothèque, il y a combien? 20 000 titres là-dedans, moi. Bah, je pense. Voir un peu plus, peut-être. Bon, maintenant, il faudrait la clé pour pouvoir aller chercher un CD là. On n'a pas de clé. Au pied de biche. Au pied de biche. Allez, ramenez-nous un pied de biche. Si vous nous écoutez, on va péter la porte du studio B. Ça démarre dans 3 minutes à peine. Juste avant, c'est la poube qui arrive. Et puis Elisio, un peu de douceur. Hein. Excuse-moi, je vais prendre un peu de temps de ton émission. Hein. T'as raison. Allez, mon Jean-Pierre, on s'installe, on va danser le zouk. Exactement. Un peu de soleil, ça fait du bien le matin. Ça y est, j'ai hâte. Ah, j'ai compris autre chose. Okay. À tout de suite, Jean-Pierre. Tout de suite. C'est ce que dit Elisio, mélodie d'amour. Je trouve demain 7h-9h et Jean-Pierre qui arrive dans moins de 5 minutes en direct avec Vermatin depuis 6 ans, il est là, ou 7 ans ou 12 ans, je sais plus, bref, il va vous le dire tout à l'heure. Belle journée et à demain 7h-9h.